The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To turn around. Se retourner. To know. Connaître. To regret. Regretter. Time. L'heure. Comic book. La bande dessinée. Now, a bit faster. To know. Connaître. Time. L'heure. Comic book. La bande dessinée. To regret. Regretter. To turn around. Se retourner. Comic book. La bande dessinée. To turn around. Se retourner. Time. L'heure. Comic book. La bande dessinée. Now, use the words in context. Se retourner. When you hear the signal, you can turn around. Quand tu entendras le signal, tu pourras te retourner. Connaître. I've known my best friend for 10 years. Je connais mon meilleur ami depuis 10 ans. Regretter. She regrets that she didn't come to the party. Elle regrette de ne pas être venue à la fête. L'heure. I like leaving on time because I hate being late. J'aime partir à l'heure car je déteste être en retard. La bande dessinée. I read a comic book every night before falling asleep. Je lis une bande dessinée chaque soir avant de m'endormir. Connaître. I've known my best friend for 10 years. Je connais mon meilleur ami depuis 10 ans. Regretter. She regrets that she didn't come to the party. Elle regrette de ne pas être venue à la fête. L'heure. I like leaving on time because I hate being late. J'aime partir à l'heure car je déteste être en retard. La bande dessinée. I read a comic book every night before falling asleep. Je lis une bande dessinée chaque soir avant de m'endormir.